souriant de vous. Mais nous le crions plus fort que vous. Nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Nous sommes les clowns électriques. Nous sommes des panthères désabusés. Nos émotions sont mimétiques. Nous aimons bien être hypocrites. Nous sommes des gens trop sympathiques.